tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Pompéi, la vie sous la cendre, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une fascination, il faut bien l'avouer, pour ces villes ensevelies devenues rêves d'archéologues, de nouvelles découvertes scientifiques et le romantisme échevelé d'un site touristique où la mort et la douceur de vivre sont partout. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue dans la ville, une archéologue de l'archéologie, une autrice qui remonte le temps, une conservatrice qui raconte, une archéologue qui réhabilite et une anthropologue délicate. Ensuite, le décor. De la lave, de la cendre, des carrières, un musée, Naples, une administration, le tourisme, l'archéologie naissante, des calèches, le romantisme, un train et des morts par milliers. Aujourd'hui, troisième épisode, on ouvre un vieux livre. Au moment où l'on retrouva Herculanum et Pompéi, elles étaient à peu près aussi perdues que le sont aujourd'hui Stabi, Oplonte et Rétine. Pour Herculanum, la chose n'était pas étonnante. Il fallait presque un miracle pour la retrouver, car la ville dormait au fond d'une tombe de lave profonde de 50 ou 60 pieds. Mais il n'en était point ainsi de Pompéi. Pompéi n'était point morte. Pompéi n'était point ensevelie. Pompéi semblait dormir. Pompéi, couverte seulement à la hauteur de 15 ou 20 pieds, élançait hors de la cendre qui n'avait pu la couvrir entièrement, les chapiteaux de ses colonnes, les extrémités de ses portiques, les toits de ses maisons. Pompéi enfin demandait incessamment secours et criait jour et nuit du fond de son sépulcre « Fouillez, je suis là ». Pompéi, c'est un peu comme l'histoire de la Belle au bois dormant. Recouverte de 10 mètres de pierres ponces et de cendres ardentes, elle aurait disparu en quelques heures et ne se serait réveillée que 1650 ans plus tard, grâce à la curiosité et à la passion des Bourbons pour les belles choses. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, une ville réveillée par des princes éclairés. Mais en fait, Pompéi n'a jamais vraiment été totalement oubliée, ni totalement abandonnée. Elle a servi de carrière de pierre ponce, a été largement explorée par des petits malins qui cherchaient des trésors, et même le nom du lieu-dit, la colline de Civita, petite ville, disait le souvenir de cette ville engloutie. Mais le problème, c'est que ceux qui ont fouillé au XVIIIe siècle cherchaient la ville antique et ses trésors. Ils ne s'intéressaient pas du tout aux vies ultérieures de la cité. Ils ont enlevé et se sont débarrassés de tout ce qui recouvrait la Pompéi de 79, c'est-à-dire des cendres et des pierres ponces. Mais aussi des traces de ceux qui avaient reconstruit une vie sur la couche de sédiments qui avait recouvert la ville et dont certains éléments architecturaux dépassaient encore. Pompéi, des vies sous la cendre. L'invention de l'archéologie et du tourisme romantique. Alors, il est possible, des graffitis ont été relevés dans certaines maisons que certains collègues ont interprétés comme justement étant écrits par, ou gravés par les gens qui sont venus récupérer leurs biens. Je ne sais pas trop quoi penser. Ce qui est sûr, c'est que on a aujourd'hui la preuve formelle que l'État romain intervient, en l'occurrence l'empereur, pour organiser des campagnes de récupération, au moins des matériaux, sur les espaces publics. William Van Andringa, archéologue. Par exemple, on a des dizaines de bases de statues. On a également les façades de grands monuments, de temples. Tout ça a été orné en marbre. On avait des inscriptions honorifiques sur tout l'ensemble du forum. On a très très peu d'éléments de ces inscriptions. Tout a été récupéré, hein, jusqu'au métal de fixation qui permettait de fixer les plaques de marbre. Donc tout a été récupéré de manière finalement tellement systématique qu'on est obligé de penser que tout cela a été organisé par le pouvoir impérial tout de suite après l'éruption. On sait que Titus envoie, lorsqu'il apprend la nouvelle, il envoie deux proconsuls pour faire un état de la situation. Ces gens-là reviennent pour lui dire que Il y a deux villes qui sont perdues, Herculanum et Trois-Villes, Stabie, mais qui a un statut particulier à cette époque-là. Il y a trois sites qui sont perdus. Alors, les textes s'arrêtent là, hein, mais la suite, c'est qu'il s'agit d'organiser justement la disparition de ces villes. Sandra Zanella, archéologue. Pompéi, effectivement, a une vie post-éruptive, disons post-79, très précoce, puisqu'on sait que déjà, immédiatement après la catastrophe, il y a une équipe qui est mandatée directement par l'empereur pour aider les populations qui vivent dans les territoires qui ont été frappés par l'éruption. Dans le cas de Pompéi, j'ai mis l'hypothèse qu'on puisse voir l'activité de ces curateurs qui a donc fouillé le forum complètement à ciel ouvert, a enlevé tout ce qui pouvait être récupéré pour le cheminer après en dehors de la ville. Et par la suite, ils ont dû recouvrir à nouveau le forum et laisser abandonner Pompéi à jamais. Mais une vie donc qui s'installe par la suite, il y a d'autres traces, puisque lorsqu'on lit dans les détails les journaux de fouilles anciennes, on voit souvent des citations. Ces éléments nous montrent que Pompéi a connu une sorte de renouveau, des vies qui revient, une vie qui devait très probablement être consciente de la ville qui existait auparavant en dessous, puisque, par exemple, les tombeaux s'installent au même endroit que les nécropoles antiques, alors que les édifices qui semblent plus d'habitations sont à l'intérieur de l'espace ainsi délimité. Donc nous n'avons plus de murailles, nous n'avons plus de routes probablement pavées, nous n'avons plus la trame urbaine. Les souvenirs de Pompéi restent, puisque on appelle Civita, donc on rappelle la ville, cette petite colline qui est Pompéi à cette époque. Mais on a le souvenir de l'ancienne ville qui se reflète à quelques dizaines de mètres en dessous du niveau ancien. On est ici devant la maison dite des quatre styles. Là aussi, c'est un nom qui a été donné parce que les quatre styles pompéiens, de peinture pompéienne, sont représentés à l'intérieur. Dans les murs de la maison, on voit aujourd'hui de grandes brèches qui ont été, ou des galeries qui ont été colmatées. Et ces galeries, elles sont des témoignages des pillages qui sont intervenus après l'éruption de 79. Pendant longtemps, on a pensé que la ville a été fossilisée par l'éruption volcanique, qu'ensuite elle a été oubliée et qu'il ne se passe plus rien jusqu'à la redécouverte en 1748. Mais en vérité, ces galeries qu'on trouve partout, hein, qui percent les murs, elles montrent que le site n'a d'une certaine façon jamais été oublié, au moins par la population locale. Et en tout cas, dans cette maison, on a plusieurs galeries qui montrent qu'on est venu piller la maison, non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Alors à quelle époque, c'est la grande question, entre 79 et 1748. Francesco Muscolino, on voit un trou creusé dans le mur, au fond, à gauche de la pièce. Qu'est-ce que c'est que ce trou arrondi ? On sait que dans cette maison, on venait recueillir la pierre ponce pour les constructions à l'époque moderne. Et donc, à l'intérieur de ces carrières de ponce, partaient des galeries d'exploration. Nous ne savons pas exactement quand ont été creusées ces galeries, mais la découverte d'une pièce de monnaie datée du XVIIe siècle dans la stratigraphie nous informe que ces galeries ont été creusées bien avant les grandes fouilles entreprises par les Bourbons. Il y a une activité qui s'est recréée autour de Pompéi, que c'est l'exploitation de Pompéi en tant que carrière, et qui se focalise au pied de la ville, autour d'une taverne qui s'appelle la Taverna della Pila, le nom de la carrière de ces matériels, et à partir de laquelle renaît une sorte d'activité autour de ces landes qui sont un peu désolées jusqu'à là. Et c'est un édifice qui est probablement bâti sur une ancienne villa, la villa impériale, sur le reste de la villa impériale. Et c'est un parcours, une étape pour se rafraîchir entre Naples, la route entre Naples et Salerne. Et c'est à partir de là que commencent les premières activités intenses de fouilles. En réalité, c'est d'abord au site d'Herculanum que l'on va s'intéresser. Béatrice Robert-Boissier. Dès le début du XVIIIe siècle, il y a un prince autrichien, le prince d'Elbeuf, qui s'est installé à Naples, qui a eu vent de la présence d'antiquités qui affleuraient sans que personne n'ait eu la curiosité de chercher plus loin. Il entreprend des fouilles et par chance, il tombe sur l'amphithéâtre d'Herculanum. Et donc, de là, les premières découvertes, disons, extraordinaires de sculptures magnifiques, notamment trois sculptures féminines qui sont restées célèbres aujourd'hui. Il faut attendre ensuite la montée sur le trône de Charles de Bourbon pour que ce soit le roi de Naples qui fasse reprendre les fouilles sur le site d'Herculanum. Et il faut dire que les fouilles à Herculanum sont très difficiles. On procède en creusant des tunnels dans une masse très dure. Et malgré les résultats prometteurs, voilà, la difficulté fait que l'on se désintéresse un peu de ce site pour se consacrer à ce que l'on pense être alors Stabi. En 1748, et il faudra attendre que l'on découvre une inscription portant le nom de Pompéi pour que l'on sache qu'il s'agit réellement du site de Pompéi que l'on vient de commencer à mettre au jour. Ce qu'il faut savoir sur ces premiers temps des fouilles, c'est que l'archéologie n'est encore à peine un concept, qu'on fouille principalement pour retrouver des trésors, c'est-à-dire des objets précieux, des bijoux, des sculptures, des fresques, tout ce que l'on peut arracher au sol, au site et emporter dans le musée de Portici. Et ensuite, les édifices fouillés sont tout simplement réensevelis sans que l'on prenne tellement la peine même de noter des informations sur l'emplacement des fouilles et du contexte et le contexte des découvertes. Maria Lucia Giacco, conservatrice au musée archéologique de Naples. Il Museo di Napoli raccoglie infatti la maggior parte dei reperti provenienti dagli scavi di Pompei. La maggior parte dei vestigi provenant de Pompei e des cités vésuviennes ont été récoltés ici, ont été récupérés par les Bourbons, Charles III, puis son fils Ferdinand IV, qui deviendra par la suite Ferdinand Ier. Nel 1734, Carlo III viene infatti nominato re. En 1734, quand Charles III devient le roi de Naples, son souhait le plus grand est de rendre cette ville une des plus importantes villes au niveau culturel de l'Europe. Il veut s'imposer ainsi comme le souverain le plus éclairé de son temps. Et Charles III donc complète cette collection avec les fouilles d'Herculanum qui débutent en 1738. 10 ans plus tard, en 1748, il sera aussi le promoteur des fouilles de Pompéi et tous ces objets donc, qui sortaient de ces fouilles royales étaient dans un premier temps emmenés au palais royal de Portici. Les objets qui sortaient des cités vésuviennes étaient donc propriété privée du roi. Carlo III, infatti, si fa rappresentare nei ritratti ufficiali. Le roi Charles III se faisait représenter comme étant un roi archéologue avec les instruments de l'archéologue, par exemple le sceau ou la truelle. Et il voulait être reconnu par tous les autres rois de l'époque comme étant un roi mécène, un roi qui protégeait le patrimoine culturel. Il faut dire que les rois de l'époque étaient très possessifs par rapport à ces objets qui sortaient des villes anciennes. De Pompéi et d'Herculanum. En fait, il y avait un règlement très strict par rapport à ces objets et seulement peu de personnes, peu de chercheurs et de scientifiques étaient autorisés à visiter la collection qui se trouvait dans le palais de Portici. Les Bourbons et Charles le Ier accordent une grande importance à ces découvertes et il va faire régner un grand secret sur les fouilles en réduisant les autorisations, ne les attribuant qu'au compte-gouttes, en interdisant toute forme de prise de notes ou de dessins. Et évidemment, cette interdiction va éveiller la curiosité de l'Europe entière, où malgré ce sceau du secret, la nouvelle des fouilles se diffuse, notamment par le biais des voyageurs en Italie, ceux qui font ce que l'on appelle à l'époque déjà le grand tour. Et parmi les visiteurs les les plus célèbres. Il y a notamment l'allemand Winckelmann qui obtient avec difficulté l'autorisation de se rendre sur le site et il va dans des lettres au comte Brühl, qui sera publié après, faire un rapport absolument dévastateur sur la conduite des fouilles et sur, d'une part, celui qui dirige les fouilles à l'époque, qui est Joachim de Alcoubière. Et il a une plume vraiment très ironique et très acerbe, où il se moque de lui en disant qu'il a autant de rapports avec l'Antiquité que les écrevisses avec la Lune. Et donc, ce n'est pas étonnant que l'accès au royaume lui soit par la suite interdit. Il critique également la pratique de réensevelissement des fouilles, le fait de ne pas noter, de prendre des notes sur le contexte des découvertes et la lenteur des travaux. La direction de ce travail fut confiée à un ingénieur espagnol nommé Roque Joaquín de Alcubierre. Cet homme, qui avait aussi peu de rapport avec les antiquités que la lune en a avec les écrevisses, comme dit le proverbe italien, a causé par son peu de capacité la perte de plusieurs belles choses. Un seul exemple servira de preuve. On découvrit une grande inscription publique. J'ignore si elle était placée sur le théâtre ou sur un autre bâtiment, mais les lettres dont elle était composée étaient de bronze et hautes de 2 palmes. Il fit arracher ces lettres du mur sans avoir fait copier auparavant l'inscription. On les jeta toutes, pêle-mêle, dans un panier, et elles furent présentées au roi dans cette confusion. On demandait d'abord ce que ces lettres pouvaient signifier, et personne ne se trouva en état de le dire. On voit par ces détails la manière dont on gouverne ces travaux, et qu'une si grande nonchalance doit laisser encore à nos descendants un beau champ à de nouvelles fouilles et de nouvelles découvertes. Johann Joachim Winckelmann. On sait que la famille royale organisait très régulièrement des déjeuners à Pompéi pour les hôtes de prestige. Donc c'est une sorte d'avant-cour royale qui est mise en valeur sans cesse pour les besoins de la cour. Hélène de Salles, archéologue. Par la suite, donc, il y a un système d'échange aussi d'objets. Le roi peut offrir des objets qui proviennent du site pour des hôtes de marque, pour d'autres souverainetés en Europe. Et si on découvrait une maison avec, pourquoi pas, un squelette, pour créer un peu plus d'émotion encore, on faisait mine de recouvrir le site découvert et puis, sous les yeux ébahis des nobles visiteurs, on procédait à une fouille en direct. Le roi lui-même suit de façon très étroite les opérations de fouille. Il faut imaginer un énorme appareil administratif, extrêmement hiérarchisé. Par exemple, pour donner une idée, lors de la fouille de la villa de Diomède, ce sont des dizaines de lettres chaque jour qui rapportent les trouvailles. Les contremaîtres qui rapportent au directeur de la fouille sur le site, dont Francesco La Vega, ce qu'ils ont trouvé. Francesco La Vega qui écrit au ministre, qui s'appelle Tanucci. Tanucci qui écrit à Charles de Bourbon. Ils se répondent bien évidemment. Donc c'est tout cet appareil administratif qui est en réalité très centralisé, très contrôlé et que l'on peut très bien suivre par les archives qui nous ont été léguées. Il faut sortir peut-être d'une image que l'on a où les premières fouilles de Pompéi seraient uniquement une grande chasse au trésor au service du roi qui voulait enrichir sa collection et faire la plus belle collection de l'Europe, ce qu'il parviendra à faire. Mais il y a aussi les micro-histoires de ces hommes. C'était des hommes assez cultivés qui lisaient le latin, qui avaient lu Vitruve, qui étaient derrière les fouilles, des fouilles assez scientifiques en réalité. Je dirais qu'il faut attendre peut-être Caroline Moura dans les cas de Pompéi pour qu'on arrive vraiment à un projet unitaire et global de fouilles de la ville, puisque c'est elle, donc cette reine de Naples à son époque, dans la décennie française, qui décide de mettre à jour tout le périmètre des murailles de Pompéi pour délimiter donc l'emprise de la ville même et pouvoir effectivement l'approcher comme un site archéologique. Son rêve, c'était justement de l'avoir complètement fouillée. Il y a eu un intermède au moment du 19e siècle, qui est au moment des guerres entre la France et l'Italie, lorsque, suite à la victoire de Napoléon, la France prend le pouvoir sur Naples, et donc on va avoir une présence française de 1806 à 1815, avec Murat et son épouse, Caroline Bonaparte, donc la sœur de Napoléon. Et c'est une période très importante pour Pompéi, puisque Caroline Bonaparte, passionnée d'antiquité, va financer un projet qui relève presque d'un projet urbain, puisque la volonté est de vraiment révéler la ville. C'est à ce moment-là que les murailles vont être fouillées, donc on connaîtra le contour de la ville. On va aussi fouiller les rues, pour la première fois essayer de connecter les différents axes viaires les uns avec les autres, de dégager l'intégralité du forum, et c'est vraiment la forme d'une ville qui surgit au moment de ces fouilles. Alors il faut imaginer, c'est quelque chose d'énorme en fait, on a eu jusqu'à 1000 ouvriers sur le site, d'ailleurs ce sont des militaires qui interviennent, donc c'est vraiment un régiment entier qui est en train de dégager la ville, alors que dans la période précédente, on était à une centaine de personnes. Et on redescendra lorsque les Bourbons reviennent sur le trône. On a parfois donc des archives qui nous disent qu'il manque de brouettes, qu'on n'a qu'une vingtaine de personnes sur le site. Donc en fait, la découverte de Pompéi, c'est lié aussi à cette économie de la fouille qui est plus ou moins favorable selon les périodes et selon les volontés royales. C'est en ce sens que les vestiges de Pompéi ont joué un rôle déterminant dans l'invention de l'archéologie au sens large, c'est-à-dire l'émergence de l'archéologie comme science, parce que l'élément déterminant, il est lequel ? Eh bien, on trouve les vestiges en place, c'est-à-dire qu'on peut faire la relation de l'objet à la structure. Alors que dans une fouille où les choses sont arasées, où les occupations successives ont détruit finalement tout ce qui se passait à l'époque romaine, eh bien on perd ce lien direct. Et ici, Pompéi a évidemment été déterminant pour caractériser une maison romaine, pour caractériser du mobilier romain. Et dès le XVIIIe siècle, il est un site qui participe justement à la gestation de la discipline archéologique. Et il y a une autre chose qu'on peut préciser, puisqu'on parle des cahiers de fouilles de cette époque-là. Ces cahiers de fouilles mentionnent des choses tout à fait étonnantes et surprenantes. Les descriptions des maisons ou des rues sont très rapides, peu précises, mais par exemple, on voit très vite intervenir, et cela de façon progressive, d'une part des maçons, d'autre part des charpentiers, et puis des questionnements qui ne concernent pas la nature des vestiges, mais qui concernent la conservation des vestiges. Ils se rendent compte, par exemple, qu'une maison dégagée une année, eh bien, souffre. L'année suivante est très vite endommagée parce que le gel s'attaque aux structures, parce que les peintures souffrent évidemment de la pluie et d'être à ciel ouvert. Donc, et très vite, ils ont des questionnements que l'on appelle aujourd'hui patrimoniaux. Ils s'interrogent sur la façon dont on doit conserver les vestiges qui sont dégagés et ils se posent la question de savoir s'il faut fermer le site ou pas. Et finalement, on se rend compte qu'on a là, eh bien, on assiste à la gestation de ce qu'on appelle aujourd'hui les parcs archéologiques avec toutes ces questions de protection patrimoniale et de gestion en fait d'un site culturel. Avec la décision de laisser au jour les vestiges, il se dévoile peu à peu une ville entière. C'est cela qui est tout à fait inédit. Et d'autre part, une ville avec un aspect plus intime, plus familier que l'antiquité solennelle des grands temples et des grands forums qu'on pouvait admirer à Rome, par exemple. Et c'est cette ville qui se dégage, qui va fasciner les visiteurs. Et ce sont ces images qui vont évidemment susciter l'émotion, l'inspiration des voyageurs qui vont diffuser ensuite leurs écrits littéraires, qui vont rester fascinés par la poétique des ruines, cette destruction terrible, ces ruines qui restent, incite nécessairement à la réflexion sur le temps qui passe et sur la petitesse de l'homme par rapport à la force de la nature. À Rome, l'on ne trouve guère que les débris des monuments publics. Et ces monuments ne retracent que l'histoire politique des siècles écoulés. Mais à Pompéi, c'est la vie privée des anciens qui s'offre à vous telle qu'elle était. Le volcan qui a couvert cette ville de cendres l'a préservée des outrages du temps. Jamais des édifices exposés à l'air ne se seraient ainsi maintenus. et ce souvenir enfoui s'est retrouvé tout entier. Les peintures, les bronzes étaient encore dans leur beauté première. Et tout ce qui peut servir aux usages domestiques est conservé d'une manière effrayante. Les amphores sont encore préparées pour le festin du jour suivant. La farine, qui allait être pétrie, est encore là. Les restes d'une femme sont encore ornés des parures qu'elle portait dans le jour de fête que le volcan a troublé. Et ses bras, desséchés, ne remplissent plus le bracelet de pierreries qui les entoure encore. On ne peut voir nulle part une image aussi frappante de l'interruption subite de la vie. Le sillon des roues est visiblement marqué sur les pavés dans les rues. Et les pierres qui bordent les puits portent la trace des cordes qui les ont creusées peu à peu. Quelques feuilles brûlées des manuscrits qui ont été trouvées à Herculanum et à Pompéi et que l'on essaie de dérouler à Portici sont tout ce qui nous reste pour interpréter les malheureuses victimes que le volcan, la foudre de la terre, a dévorées. Mais en passant près de ces cendres que l'art parvient à ranimer, on tremble de respirer, de peur qu'un souffle n'enlève cette poussière dont de nobles idées sont peut-être encore empreintes. Germaine de Staël, Corinne ou l'Italie, 1807. C'était en réalité une des premières confrontations que l'on avait face à l'architecture domestique. L'habitat en tant que tel n'était pas vraiment connu, ou de façon très fragmentaire. Et là, pour la première fois, donc avec la Villa Diomède, mais de façon générale avec les cités du Vésuve, hein, lorsqu'on fouille, on peut être confronté à cette intimité de l'habitat. On redécouvre des maisons entières avec toute la culture matérielle qui va avec. Et la villa de Diomède le permet d'autant plus que donc on a une villa qui portait encore tout son décor intact au moment de la découverte de la fouille. Et ça aussi, donc les premiers visiteurs ont cette sensation-là, ils le disent tous, c'est visiter un habitat, une ville, avec la sensation que les habitants viennent juste de la quitter et l'ont laissée intacte. C'est cette perception de l'intimité qui est très nouvelle et qui suscite évidemment le regard des romantiques, le regard des visiteurs quand ils arrivent au XIXe siècle, c'est cette cité de la mort et de pénétrer dans des maisons abandonnées depuis l'éruption. Donc c'est un visage tout à fait nouveau de l'Antiquité, qui est vraiment cette Antiquité face à face, c'est ce que dira Stendhal, et avec de façon assez saisissante. Outre les pièces que nous avons décrites, il y avait encore un appartement d'été. On descendait dans cet appartement par un petit escalier. Les pièces en étaient voûtées, ornées de fresques et pavées en mosaïque. Les peintures qui couvraient les murailles de la plus grande de ces pièces représentaient une Uranie, une Melpomène, une Minerve, un pédagogue assis tenant un bâton à la main et ayant un coffre plein de papyrus à ses pieds. Des génies et des bacchantes qui dansent en pinçant de la sambuca. Ce qui fit croire que cette chambre était une bibliothèque. Un reste de tapis en couvrait le pavé. De cette chambre, et en traversant le jardin, on descend dans une galerie souterraine. Et cette villa de Diomède, oui, elle devient effectivement une étape très importante dans le circuit où on nous raconte qu'on allait du musée de Portici à Herculanum, puis à Pompéi. Et cette villa de Diomède est restée particulièrement célèbre parce que l'on y a retrouvé l'empreinte laissée dans la cendre par le sein d'une femme. Et c'est un concentré d'émotions que cet objet si fragile qui a pu être conservé au-delà des siècles, qui a peut-être cristallisé l'émotion de nombreux visiteurs. Elle a été conservée au musée de Portici. Elle a disparu depuis, sans doute parce qu'elle était trop fragile. C'est dans cette galerie que s'étaient réfugiés les habitants de la maison. On y retrouva 20 squelettes appuyés au mur. Deux de ces squelettes appartenaient à des enfants. Un troisième était, selon toute probabilité, celui de la maîtresse de la maison, car on lui trouva au bras 2 bracelets et au doigt 4 anneaux. Tous avaient été étouffés par la cendre. Et comme à cette cendre avaient succédé des torrents d'eau, elle avait été changée en un limon qui s'était séché lentement, enveloppant les cadavres comme un moule. Aussi, lorsqu'on les trouva, ces cadavres étaient-ils parfaitement conservés, mais à peine les toucha-t-on du bout du doigt qu'ils tombèrent, réduits en poudre, et ne laissèrent debout que leurs ossements. On conserve au musée de Naples un fragment de cette terre dans lequel est empreint un magnifique sein de femme, à la surface duquel on distingue les plis d'une robe de mousseline. Un second fragment garde le moule de 2 épaules. Un troisième, le contour d'un bras, tout cela jeune et arrondi, tout cela magnifique de forme. C'est là que Théophile Gautier positionne sa nouvelle Aria Marcella. Aria Marcella serait la fille donc de Darius Diomédès, le propriétaire pour lui. Avec cette dimension tragique aussi, puisque dans la villa, j'ai oublié de le préciser, les fouilleurs ont trouvé dans les souterrains, donc dans les cryptoportiques au-dessous, 20aine de corps, des squelettes, là aussi, qui vont contribuer à donner cette image tragique d'une ville qui est celle qui a été ensevelie brutalement par l'éruption du Vésuve. Et donc, Théophile Gautier et bien d'autres sont très sensibles à cela, et notamment à l'image qui aurait été celle du buste du jeune femme, moulé par la lave, dans ces souterrains de la villa. En outre, on trouva à terre 2 colliers d'or, dont l'un est orné de 9 plaques d'émeraude, et dont l'autre portait une chaînette, au bout de laquelle pendaient 2 feuilles de pampre, 2 anneaux d'argent, une grosse épingle, un candélabre, dont le pied était formé par 3 jambes d'homme, un paquet de clés, 2 améthystes, sur l'une desquelles était gravée une Vénus anadiomène, dans la même pose que la Vénus de Médicis. Enfin, 31 pièces de monnaie, presque toutes consulaires, et 44 autres, presque toutes impériales, parmi lesquelles étaient plusieurs Galba et plusieurs Vespasiens. Le héros de l'ouvrage découvre cette trace, cette empreinte au musée, et il en ressent une émotion immense qui l'emportera dans une sorte de voyage dans le temps, comme si Pompéi a cette vertu, voilà, de faire sortir la roue du temps de son ornière, comme il le dit, selon une formule, je crois, shakespearienne. Et on ne sait si c'est l'Antiquité qui ressurgit dans le présent ou l'inverse, mais il fait la connaissance de cette femme qui serait à l'origine de cette empreinte dont il tombe éperdument amoureux. On va continuer parce que là nous avons la place calme. Parce qu'il y a tout le monde. Depuis le XVIIIe siècle, des gens se présentent à l'entrée du site et proposent leurs services pour expliquer l'histoire du site. C'est très présent dans la littérature du XIXe siècle, puisqu'on vient en calèche à Pompéi, des calèches qui venaient de Naples, j'imagine, les visiteurs donc, qui se pressent. Et donc vous avez ces guides qui, à cette époque-là, au XIXe siècle, viennent présenter les ruines et avec leurs histoires à eux. Cicerone, je crois que c'est le nom, on les appelait les... Oui, donc c'était voilà, des personnages qui construisaient en quelque sorte l'histoire locale de Pompéi. Et on a cette tradition locale a perduré, je pense. Le grand changement, c'est que Pompéi, à partir de 1860, donc on est dans le système de l'unité italienne, elle devient, pour la première fois, la ville devient un parc archéologique qui, là, s'ouvre au public. On a un énorme changement politique, c'est que tout au long de l'histoire de Pompéi. Alors certes, il y a eu des évolutions ou des moments différents, mais malgré tout, jusqu'en 1860, pour accéder au site, il fallait bénéficier d'une autorisation royale. Donc le système s'est beaucoup allégé au fil du temps. On a eu une centaine de personnes à la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, avec l'ouverture du tourisme, l'aménagement du chemin de fer. Les visiteurs sont plus nombreux dans le courant du 19e siècle. Malgré tout, il fallait toujours bénéficier d'une autorisation. Facile à obtenir, mais il fallait en bénéficier. Avec l'arrivée donc de l'unité italienne et du surintendant qui dirige les opérations à Pompéi, qui s'appelle Giuseppe Fiorelli, le système est différent puisque c'est une taxe qui donne le droit de visite à Pompéi, qui fait que le site devient un parc archéologique ouvert véritablement aux visiteurs. Stazione di Pompei Scavi, Villa dei Misteri. Prossima fermata, Torre Annunziata Oblù. Aujourd'hui encore, quand on va à Pompéi, on prend le Circum Vesuviana, ce train qui nous permet de visiter la plupart des fouilles de la région et de circuler comme ça le long de la côte. Quand est-ce que ce train est mis en place ? Il est mis en place en 1840, et ce qui aura effectivement une grande incidence sur la visite des fouilles, où dès cette époque-là, dès 1840, on voit les prémices d'un tourisme pas encore de masse, mais presque. On peut prendre ce train et tout est facilité pour que l'on puisse aller du site et puis compléter par l'ascension du Vésuve et profiter du panorama de la ville depuis les hauteurs. Mars 1787. Je suis monté hier sur le Vésuve, quoique le temps fût nébuleux et la cime enveloppée de nuages. Je suis allé jusqu'à Résina en voiture, puis, prenant à travers les vignes, j'ai gravi la montagne d'abord à dos de mulet, enfin à pied. Il faut gravir la montagne de cendres, ce qui est un rude travail. Enfin, nous avons atteint l'ancien cratère, aujourd'hui comblé et côtoyé une colline volcanique récemment formée. Elle fumait de toutes parts. La vapeur était devenue si épaisse que je pouvais à peine voir mes souliers. Il ne sert à rien de tenir sous le nez son mouchoir de poche. Je ne voyais même plus mon guide. Le pied n'est pas ferme sur les débris de lave rejetés par le volcan. Il m'a paru convenable de revenir sur mes pas et de réserver pour un jour serein où la fumée serait moins forte le spectacle souhaité. En attendant, j'ai du moins appris combien il est difficile de respirer dans une pareille atmosphère. Il y a des récits tout à fait comiques de cet engouement pour les fouilles où finalement on y va parce qu'il est de bon ton de les avoir visitées, de revenir avec ses souvenirs, sa petite pièce emprisonnée dans la lave du Vésuve. Et donc on a des récits où on raconte comment ces porteurs poussent et hissent les visiteurs qui ont peine à gravir les pentes du Vésuve. C'est assez amusant de voir certains guides de l'époque qui vous disent quels sont éventuellement les pièges à éviter déjà à l'époque, comme un guide d'aujourd'hui. Est-ce que si nous on se met à l'ombre, hein? Si vous attendez à l'ombre, signora, s'il vous plaît. Avec les moulages et les amphores d'origine, s'il vous plaît. Regardez-le. Le site de Pompéi a surtout joué un rôle important dans la relation que l'on peut faire entre les objets de la vie quotidienne et les structures de la vie quotidienne. C'est surtout ça qui a joué un rôle déterminant et qui continue de jouer un rôle déterminant, c'est la préservation des vestiges qui permettent de travailler sur des contextes qui nous renseignent sur les comportements des gens. Hein. Comment ils dorment, comment ils mangent, et comment ils vendent, comment ils produisent et comment ils meurent, ça on l'a vu. Hein. On arrive à un degré de précision extraordinaire, parce que lorsqu'on s'intéresse à la question comment ils meurent, on a l'impression qu'ils sont partis avant-hier, qu'ils ont laissé un bûcher à moitié éteint, le bûcher sur lequel ils ont brûlé leur mort. C'est pour cela que Pompéi a joué et continue de jouer un rôle important. Cette rue des tombeaux est un magnifique péristyle pour entrer dans une ville morte. Puis, tous ces monuments funèbres, placés aux deux côtés de la route, au bout de laquelle s'ouvre béante la porte de Pompéia, ne dépassant pas la couche de sable qui les recouvrait, se sont conservés intacts, comme au jour où ils sont sortis des mains de l'artiste. Seuls seulement le temps à déposer sur eux, en passant cette belle teinte sombre, ce vernis des siècles qui est la suprême beauté de toute architecture. On entoure tout cela de silence, de solitude, de recueillement, et on aura une idée bien incomplète encore de l'aspect merveilleux que présente le faubourg de Pompeia, appelé par les modernes la rue des tombeaux. Les fouilles de Pompéi ont duré, se développent sur une longue période et ont pu expérimenter. On passe à travers différents régimes politiques. Hein. Les fouilles donc commencent dans une Italie qui n'est pas encore une Italie unifiée. On est donc dans des dominations, dans des royaumes comme par exemple les Bourbons pour une période, jusqu'à continuer dans la nouvelle Italie qui vient de se bâtir. Et les fouilles traversent également des moments politiques comme les deux guerres. Donc ce contexte très particulier a donné la possibilité de réfléchir à tout cela, d'expérimenter, de faire beaucoup de fautes, parce qu'une partie des édifices au départ, par exemple, étaient détruits sur place. Puis on est passé à la... considérer Pompéi comme un grand musée à ciel ouvert, donc essayer de dégager les routes pour faire vraiment un chemin dans la ville, pour transformer les sites archéologiques dans ce que nous on considère les sites archéologiques. L'œuvre des dégagements, des découvertes sur un temps si long a pu donner l'occasion de progresser dans la science qui après la science de l'archéologie et de la conservation des biens culturels. Il y a le passage d'une vision collectionniste, antiquaire de l'Antiquité à une archéologie qui va devenir progressivement une véritable discipline scientifique jusqu'à l'avènement presque du personnage le plus marquant de l'histoire des fouilles à Pompéi, qui est Giuseppe Fiorelli, qui a exercé sur le site de 1844 à sa mort en 1896, et c'est grandement à lui que l'on doit la mise en place d'une archéologie véritablement scientifique, en posant les fondements de certaines pratiques comme la stratigraphie, même si ça vient en second lieu, mais voilà, d'avoir établi véritablement un plan de Pompéi en le divisant en 9 régions puis en îlots. Il va également mettre en place une école d'archéologie, et l'un des aboutissements les plus spectaculaires est le moulage de plâtre. Les moulages de plâtre sont vraiment les éléments sans doute les plus emblématiques de Pompéi encore aujourd'hui. Et en 1863 a lieu cette découverte, si l'on peut dire au sens littéral du terme, où on a trouvé un sol qui présente un certain nombre de cavités. Et donc, on espère que dans ces cavités soient restés emprisonnés des corps qui se sont par la suite décomposés en laissant leur empreinte dans cette gangue de cendres qui est comme un moule. Donc, on coule du plâtre dans cette cavité, dans ces interstices. Et lorsque l'on brise le moule, il faut imaginer cette émotion incommensurable qu'ont dû éprouver tous les spectateurs de voir apparaître des Pompéiens. C'est même l'incarnation du but de l'archéologie, de recouvrer tout ce que l'on pensait à jamais disparu, jusqu'aux traits de visage des Pompéiens. Donc c'est une promesse pour la science formidable de connaissance sur les conditions de l'éruption, mais c'est surtout l'émotion. Luigi Settembrini, qui est contemporain de Fiorelli, dit que c'est la douleur elle-même qui l'a excavée. Et que c'est encore une fois cette émotion dévorante que provoque Pompéi à la vue de ces victimes du Vésuve prises à l'instant même de leur agonie. Valeria Amoretti, anthropologue. In realtà i calchi sono un patrimonio biologico unico che caratterizza in realtà il sito. En fait, ces calques sont un patrimoine biologique unique au monde et ils caractérisent le site. C'est eux que les touristes veulent voir quand ils demandent où sont les morts. Je trouve que ces calques sont des objets à la fois merveilleux et terribles. En ce moment, nous sommes en train de réaliser une série d'analyses sur le contenu de ces calques pour voir comment ils sont constitués et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une équipe australienne qui s'en occupe. À l'aide de rayons X, on a pu commencer à voir le contenu de la plupart des calques, parce qu'en fait, ils sont composés de différents matériaux. Et il y a des calques dans lesquels on voit mieux que dans d'autres. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, ce ne sont pas seulement des os, mais il y a aussi des objets. On retrouve par exemple les clous des sandales que portaient les habitants de l'époque. Mais on retrouve aussi parmi les os des matériaux de construction ou des morceaux de métal qu'utilisaient les ouvriers et les restaurateurs qui ont moulé ces calques. Giuseppe Fiorelli prend tout de suite conscience de la valeur de ces moulages et il fera réaliser notamment une série de clichés photographiques et c'est par ce biais qu'ils vont être diffusés dans l'Europe entière et vendus aussi sous forme de cartes postales et donc ça va créer un engouement et évidemment que l'intérêt pour Pompéi va être renouvelé. C'est toute une réflexion sur ce drame, sur l'universalité de ce drame. Et touche aussi encore une vision romantique encore du site. À la fois, effectivement, c'est une image morbide qui nous porte à la réflexion sur le temps qui passe. Et à la fois, c'est un document scientifique inédit, inespéré. À la fois, on a envie d'y porter un jugement esthétique. Est-ce que c'est une œuvre du Vésuve, de l'homme ? On les compare nécessairement à des œuvres d'art, à la statuaire antique. Et en même temps, est-ce que c'est une reproduction, une copie d'un cadavre d'un Pompéien ? Ou est-ce que c'est un original ? Est-ce que c'est lui que l'on a sous les yeux ? Puisqu'il faut penser que dans un certain nombre de ces moulages, le squelette est resté emprisonné en faisant une sorte de reliquaire. Et c'est cela qui crée aussi notre émotion. Voilà, les moulages sont réellement à la croisée de plusieurs sentiments, de plusieurs analyses, et qu'il est toujours difficile de trancher. Voilà, on reste complètement sans voix. Naples. Samedi 11 mars 1787. Je suis allé à Pompéi. Nous avons vu s'étaler à droite et à gauche les magnifiques paysages que mille dessins nous avaient bien fait connaître, mais qui s'offraient maintenant aux yeux dans leur brillant ensemble. Pompéi étonne tous les voyageurs par ses proportions exiguës. Des rues étroites, mais pourtant bien alignées, et pourvues de trottoirs, de petites maisons sans fenêtres, des chambres donnant sur des cours et des galeries ouvertes, et éclairé par la porte seulement. Même les ouvrages publics, le banc à l'entrée de la ville, le temple et une villa dans le voisinage semblent plutôt des modèles et des armoires de poupées que des édifices. Mais ces chambres, ces galeries et ces corridors sont ornés de riantes peintures, de légères et gracieuses arabesques, de mignonnes figures d'enfants et de nymphes, de riches guirlandes d'animaux apprivoisés et sauvages. C'est ainsi que, dans sa dévastation actuelle, une ville, couverte d'abord par la pluie de pierres et de cendres, ensuite fouillée, pillée, annonce chez tout un peuple un goût pour les arts et la peinture, dont l'amateur le plus passionné n'a pas aujourd'hui l'idée, non plus que le sentiment et le besoin. Est-ce qu'il y a un usage aussi idéologique, c'est-à-dire est-ce qu'au moment de la monarchie, on utilise Pompéi en disant voilà, c'est le socle du royaume de Naples, notre origine est là. Est-ce qu'au moment de l'unité italienne, on dit voilà, c'est finalement l'âme de l'Italie. Est-ce qu'il y a des utilisations idéologiques comme ça? C'est le symbole d'une fouille, d'une cité entière redécouverte. Ce n'est pas forcément le symbole d'une romanité, parce que malgré tout, Pompéi reste une ville assez petite. Et de fait, les voyageurs qui viennent à Pompéi dans le courant du XIXe siècle sont assez déçus. On a aussi ça, ce type d'écrit. Ils sont habitués à la grande architecture monumentale de Rome. Ils sont habitués aux sites de la Grande Grèce, comme Paestum ou encore en Sicile, où on a des temples monumentaux et assez colossaux. Quand ils arrivent à Pompéi, ils se trouvent face à une ville dont ils décrivent souvent l'aspect trop petit. Goethe, quand il vient, dit, on dirait des maisons de poupées, des maquettes. C'est toute cette déception des voyageurs, alors pour ces aspects aussi triviaux, on va retrouver des activités liées à l'érotisme, ça, dans tous ces aspects, en effet, les plus triviaux. La société de l'époque a été surprise et choquée par le nombre à la fois de fresques érotiques et puis d'objets, des statues tiphaliques, des amulettes représentant des phallus. Et tout était considéré comme des objets pornographiques, alors qu'une partie, on le sait, était avec des vertus apotropaïques, enfin qu'il y avait toutes sortes de signification, mais tous ces objets pêle-mêle ont dérangé le regard des spectateurs du XVIIIe siècle, et c'est ce qui a sans doute encouragé cette idée selon laquelle Pompéi aurait été victime du châtiment divin par l'éruption du Vésuve. Punir une ville pécheresse. En fait. Voilà, c'est ça. Certains d'eux aussi trouvent que comme c'est une ville qui était finalement assez dense, ils sont fascinés ou ils sont surpris, voire ils critiquent l'aspect oriental de la ville. Parce qu'on a des rues qui sont assez étroites par rapport à ce qu'on connaît de Rome. Donc certains voyageurs, notamment au début du XXe siècle, la comparent par l'aménagement des façades, des ruelles étroites, des balcons, des couleurs sur les façades, avec des villes de l'Orient ou du Maghreb. Donc ça aussi, ça contribue à donner une autre image de la ville. Donc cette ville qui était en cours d'activité, qui est très très loin de l'image qu'on peut avoir de la Rome monumentale. Mussolini, par exemple, va venir visiter Pompéi avec le surintendant de l'époque qui s'appelle Amedeo Maiuri. Donc on a des photographies de Mussolini visitant la ville, mais c'est plutôt l'image de la ville retrouvée, mais pas forcément de la monumentalité. Mussolini va beaucoup plus utiliser bien évidemment Rome et puis les fouilles qui seront opérées à Ostie sur le port de Rome à côté pour mettre en valeur son régime. Mais Pompéi, de mon point de vue, reste assez secondaire de ce point de vue du symbolisme. C'est un autre symbolisme. C'est plutôt l'exploit de la fouille qui est célébré. Parce que fouiller Pompéi, c'est aussi une œuvre très compliquée, périlleuse, avec des risques d'écroulement assez importants. Et puis, c'est aussi la gestion de tous ces amas de lapilli, ces micro-pierres ponces qui ont recouvert le site. Qu'en fait-on ? Et ça rythme toute l'histoire de Pompéi. Ils sont déplacés, on ne sait pas comment, donc il va y avoir au moment de l'époque mussolinienne, ces lapilli vont être vendus pour aménager la grande autoroute qui va rejoindre Naples à Pompéi. Donc l'histoire du site, elle est symbolique aussi par cette œuvre de fouille et de reconstruction qu'il faut sans cesse opérer, parce que c'est un site vivant dont on doit gérer les matériaux des décombres et puis aussi le restaurer. Et puis il y a l'histoire que viennent chercher beaucoup de touristes, c'est-à-dire une histoire mythologique, celle d'une fin douloureuse, la mort instantanée des Pompéiens qui s'enfuient, celle d'une ville engloutie, celle de quelque chose qui échappe en quelque sorte au discours scientifique. Et vous, en tant qu'archéologue, William Van Andringa, qu'est-ce que vous avez en tête, vous, quand vous êtes ici ? C'est vrai qu'en ce moment, on travaille sur la nécropole, un peu en marge du parc archéologique. On voit très peu les touristes, très peu la frénésie qu'on voit en ce moment sur le forum. Mais on a fouillé le temple de Fortune Auguste il y a quelques années, qui se trouve là, en revanche, dans le centre monumental, c'est-à-dire sur le lieu de passage du grand tourisme. Le temple de Fortune Auguste est situé entre le restaurant, qui est en activité aujourd'hui pour les touristes, le logement des gardiens qui fréquentent le site la nuit puisqu'ils le surveillent la nuit, donc ils dorment sur place, le dépôt archéologique qui est installé dans une zone qui a été touchée par les bombardements de 1943, et puis dans ce qu'on fouillait, on croisait des tranchées aménagées pour les câbles électriques, l'électrification des années 1950, l'électrification plus récente, également le passage des canalisations d'eau pour les toilettes. Donc on comprend, lorsqu'on fouille ce genre de contexte, que Pompéi continue d'exister, en quelque sorte, d'être une ville un peu particulière, puisqu'elle est habitée par des gens un peu particuliers, que sont les touristes ou les gens qui s'occupent de la gestion du site. On était dans une activité urbaine, en quelque sorte, les gardiens gardaient, les gens du dépôt archéologique s'occupaient du dépôt archéologique, les gens de l'autogrill faisaient à manger, ben nous on faisait de l'archéologie. Merci à Valeria Amoretti, Hélène De Salle, Maria Lucia Giacco, Francesco Muscolino, Béatrice Robert Boissier, William Van Andringa et Sandra Zanella. Merci aussi à Marella Brunetto, au Musée archéologique de Naples et à Vincent Charpentier, et à Dorothée Nem du Centre Jean Bérard de Naples pour la traduction. Tout est bien, pas de problème. Texte lu par Peggy Martineau, Daniel Königsberg, Sarah Chaumette et Thierry Beauchamp. Prise de son, Laurent Macchetti et Arthur Gerbeau. Mixage, Bernard Laniel. Pompéi, des vies sous la cendre. L'invention de l'archéologie et du tourisme romantique. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffy Mariani. Ciao, arrivederci. Grazie signora. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur le chantier, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Meji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, un sauvetage et des découvertes scientifiques. Mais en attendant, restez à l'écoute.